9B. Nous passons maintenant à notre rubrique Emploi pour tous. Le parc Astérix recrute des animateurs pour un emploi saisonnier d'avril à octobre. Les candidats doivent avoir entre 16 et 30 ans. Idéal pour les étudiants. Mais attention, il faut savoir jouer d'un instrument de musique et être disponible le samedi et le dimanche. Alors si vous aimez le contact avec les enfants et si vous parlez deux langues étrangères, cet emploi est pour vous. Et voici notre deuxième annonce. Un restaurant chic sur les Champs-Élysées cherche un serveur. Vous êtes agréable, sérieux et dynamique. Vous avez une formation hôtelière ou vous avez déjà une expérience dans le secteur de la restauration et vous vous sentez à l'aise dans les milieux chics, ce poste est fait pour vous. Mais attention, vous devez bien parler anglais. Donc si vous êtes intéressé, contactez-nous. Enfin, la ville de Paris recrute un guide pour ses musées et monuments. Le candidat ou la candidate doit être disponible de juin à septembre et parler couramment anglais et espagnol. Si vous êtes sérieux et patient, que vous avez une formation littéraire ou artistique, ou que vous êtes passionné d'histoire, cette annonce vous intéresse. Alors s'il vous plaît, contactez-nous au plus vite.